cours numéro 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fantahayna wa lillahi alhamd fi darsina al-akhir min ayy bab? On a terminé ensemble quel bab? Tafadhal. Al-khawf min ash-shirk. Wa limadha al-mu'min yajib 'alayhi an yakhaf min ash-shirk? Pourquoi on doit avoir peur du shirk? Fadda. Annahu dhidd at-tawhid. Na'am. Zed. Tafadhal. Akhaf min ash-shirk li'anna al-kashf. Ma ad-dalil? Tafadhal. Ala hadha. C'est quoi la preuve qui prouve hadha? C'est ça le but du livre. Al-hifz, hatta ces choses qu'on dit qui sont wadihah wa lillahi alhamd 'inda ahli sunnah, lakin il faut des preuves. Kam min an-nas yushrikuna billahi 'azza wa jalla wa hum la ya'lamun. Si on n'a pas les preuves, farubama ils accepteront pas. Ma'an al-amr il est wadih. Tafaddal. Qala ta'ala la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk. Ahsant. La in ashrakta la yahbatanna 'amaluk. دليل واضح أن celui qui meurt على الشرك الله سبحانه وتعالى يعنيل toutes ses œuvres عياذا بالله فالمؤمن يخاف من هذا que ses œuvres elles soient annulées عياذا بالله زيد الشرك ظلم الأعظم ظلم أعظم ظلم نعم الشرك c'est أعظم ظلم c'est la plus grande injustice. Le mu'min, il doit s'écarter de cette injustice. Ma dalil? Qala ta'ala la bunya la tushriku billah inna shirka la dhulmun azim. Inna shirka la dhulmun azim. Ahsant. Zid? Tfaddal. Alladhi la ya'lamu shirka yushriku an yata'a fih. Ah? Alladhi la ya'lamu shirka yushriku an yata'a fih. Eh, na'am. Alladhi la لا يعلم ولا يدري ما هو الشرك فربما يقع فيه فلهذا إدوى أبخاند زيد من ال بوركوا المؤمن يجب عليه أن يخاف من الشرك لأن صاحبه لا يدخل في الجنة نعم أن صاحبه أي المشرك إذا مات على شركه الأكبر سي المشرك ميغ على الشرك الأكبر فإذا أدخل في الجنة ما الدليل أقول الله تعالى نعم الله سبحانه وتعالى لا يبردن با اي سا امبليك كسي لو باردون با يرون با في النار ان دليل اوضح عندك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لكي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لكيه يشرك به شيئا دخل النار احسنت من لقيه يشرك به شيئا دخل النار اي celui qui rencontre الله سبحانه وتعالى يوم القيامه avec le shirk akbar هذا الله سبحانه وتعالى لي انتردي الجنة كيسي كي ركتفي الأخ يبو لسيتي مبخف تفضل نعم قول الله تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة عيدا بالله يونا سيتي وزعب سيتي أن الله لا يغفر للمشرك كذلك d'autres points qu'on a cités dans le dars ou dans d'autres dorus. On a déjà traité ce sujet كثيرا. Hada, c'est le résumé du dars précédent. Donc deux choses. Tahqiq al-tawhid, on l'a vu dans un bab précédent, et al-ibti'ad min al-shirk. Et c'est ça le معنى la ilaha illallah, nafy wa ithbat. La ilaha et personne ne mérite d'être adoré. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala ithbat. Fa hadha ash-shirk 'iyadan billah, ça contredit le tawhid. Et Cheikh l'Islam, il a écrit ce livre, Kitab al-Tawhid, pour propager هذا العلم العظيم, علم التوحيد. Et ce علم, لابد pour le صحح التوحيد de s'écarter du shirk akbar. وإلا celui qui fait du shirk akbar, ça lui annule التوحيد, même s'il prononce le shahada, même s'il adore Allah, subhanahu wa ta'ala. Même s'il fait beaucoup de salat, il fait le hajj, il fait siyam ramadan, il fait du shirk akbar, ولو une fois, ولا يتوب, ça lui annule tout, iyadam billah. فالأمر إلي خطير لهذا شيخ الإسلام إلى ستة هذا الباب الخوف من الشرك الإنسان يدعو pas avoir peur de الفقر la pauvreté أو d'un être humain comme lui أو de l'avenir أو يخاف من الجن tout ça المؤمن il doit pas avoir peur de ces choses المؤمن il doit avoir peur de tomber في هذا الشرك لأن هذا الشرك c'est la cause qui pose l'insan في النار. Et celui qui a peur de choses futiles et qui occupe son cœur avec هذا الخوف الباطل, peut-être que ça l'écartera du véritable خوف, الخوف من الله عز وجل. Et كذلك الخوف من الوقوع في الشرك, لأن الله سبحانه وتعالى déteste le shirk. هذا تقدم dans le bab précédent. قال شيخ الإسلام رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Après avoir cité الخوف من الشرك, شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى cité هذا الباب. قال الإمام عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى في شرحه النافع فتح المجيد لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده. Pour l'instant, Cheikh l'Islam, il a traité ces trois points dans plusieurs abois. Les premiers chapitres du livre. التوحيد, le premier bab, كتاب التوحيد, وفضله, il a cité deux abois. في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وما يوجب الخوف. C'est ce qu'on a vu dans le dars précédent. فأبخي هذا il y a une مناسبة عظيمة de citer هذا الباب أي الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء هنا بمعنى الدعوة أي appeler les autres à هذا التوحيد العظيم. Enfin, l'insan, s'il le met en application, il connaît le fadl, il s'écarte de son contraire, al-shirk, enfin, al-hikma, c'est qu'il appelle les autres à hada. Limadha, li'anna al-muwahhid, il veut le khayr pour les autres. Pour tout le monde. Il veut leur bien. Li'hada, il appelle les gens à ce fadl azim. Enfin, al-haqiqa, al-muwahhid, al-mu'min, il veut le khayr pour les autres. Il y en a celui qui veut du bien aux autres, il veut leur faire partager la ni'ma qui vit. وَأَعْظَمُ النِّعْمُ C'est ni'matu l'islam. Et l'islam, il est fondé sur التوحيد. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه. فالمؤمن pense aux autres. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Si tu es dans une ni'ma, ni'matu al-ilm, ni'matu al-tawhid, ni'matu al-sunnah, n'oublie pas les autres. L'insan, il ne faut pas qu'il soit égoïste, il pense qu'à lui. وَيَرَى النَّاسِ يَتَخَبَّطُونَ فِي ظُلُمَاتِ الشِّرْكِ وَالْبِدَعِ وَالْخُرَافَاتِ Et كَأَنَّهُ ça ne le touche pas. Voilà. فلهذا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا ils ont appelé à هذا التوحيد. لماذا؟ لأنهم يبولي le bien pour leur peuple. لكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. بل c'est obligatoire. Celui qui connaît une chose, il doit la transmettre. قال عليه الصلاة والسلام بلغ عني ولو آية. ولو un verset, ولو un hadith, ولو une mas'ala que tu as compris, ولله الحمد, خاصة في هذا الباب, باب التوحيد, bah, tu la montres aux autres, surtout à tes proches, surtout ceux qui خالف هذا الباب العظيم. فكم من الناس يذبحون لغير الله, كم من الناس يخافون من الجن. Et tellement qu'ils ont peur des djinns, ils sacrifient pour ce djinn qui est dans une maison, mathalan. Comme les gens, ils font des visites shirkiyah pour visiter les mausolées. Al-Dharih, Al-Sidi Fulan, ou Al-Sheikh Fulan. Ils font tawaf, ils font sujoud, ils sacrifient des bêtes, ils lui demandent, ayyadam billah. Nous, on n'a pas le droit de se taire. On montre. Wa-iyaka أن يبعدك الشيطان من هذه العبادة العظيمة avec des شبه أنك si tu appelles ça sert à rien, أنهم ils vont pas t'écouter, أنهم c'est des choses connues, c'est eux qui veulent pas. Là, tout ça c'est باطل. الموحد في الدعوة. Et Allah سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. نحن quand on appelle les gens au tawhid, والله الحمد, on a une عقيدة أن c'est Allah qui guide. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé son oncle Abu Talib, Afdalul Bashar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Imam al-Muwahidin. C'est l'être humain qui a compris le mieux al-Tawhid et qui l'a appliqué le plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le hadith, qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ya'am qulla ilaha illallah. Il l'a appelé au Tawhid, il s'est battu. Pourtant, son oncle, il a vécu la da'wa des années, il est avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu parler de sa da'wa. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin, il n'a pas dit « Hada ici, hada, il ne va pas accepter là. » « Ya'am, qu'il la ilaha illallah, limada li anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il savait, Allah, il peut le guider, même s'il avait rejeté auparavant. » Ça te montre « Anna nastamir » puis « Ad-da'wa » surtout avec les proches. « Anna s'ils acceptent, c'est une ni'ma azima. » Et c'est une cause pour qu'il soit sauvé, yawm al-qiyam. Et ma'ahada, il a refusé son oncle. Il a dit là, abqa ala millati abd al-muttalib, wa mata ala al-shirk, ala al-kufr. Hatta Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé annahu, il sera fait une nar. Ayyadun billah. Ala kulli hal, nahnu fi al-sabab. S'il accepte hada al-insan. Mathalan, si on donne l'exemple d'un de tes proches, alhamdulillah, et tu es récompensé. Et s'il n'accepte pas, alhamdulillah, tu es quand même récompensé par rapport à ton effort et à ta niya que tu avais. On fait attention. Il y a un shaitan, yulqi shubuhat, pour qu'on n'appelle pas à ce tawhid. Il y a un shaitan, il ne veut pas que ce tawhid se propage. Le shaitan, son but, c'est que le shirk se propage. Hatta kathirun minan nas rentre avec lui vinna. Al-muwahid, c'est le contraire. On espère nous propager ce tawhid pour que beaucoup de gens y rentrent vers le jannah. Le mouahid, en fait, c'est un bab khair pour les autres. Lakin kathir minan nas, à cause des choubahs, là, ils ne reconnaissent plus ça. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Ala kulli hal, on fait da'wa et on patiente. Et on montre. Lakin hadihi da'wa bi'ilm. Fali hada, Cheikh l'Islam, il a cité le verset ba'da dhalik, qala wa qawlillahi ta'ala, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تستفيد من هذه الآية أن الدعوة سمنهج الأنبياء وكذلك سمنهج أتباعهم. قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Ça montre que c'est manhaj al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont suivi. Et c'est manhaj jami' al-Rasul. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهُ وَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Chaque messager, il a été envoyé pour هذا. Chaque prophète appelé à هذا التوحيد et mettre en garde contre le shirk. أولاً, on cite لماذا Cheikh al-Islam, rahimahullah, il a cité ce verset هنا. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص أن الله ذكر فيها طريقة الرسل أو الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم بما يدعون إليه ففيها وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله الذي هو موضوع الباب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. هذا سنمتخ أن الإنسان لا يدعو إلى نفسه. On n'appelle pas pour augmenter le nombre de tel groupe ou pour se faire connaître ou pour que les gens ils soient contents de nous. Là, ندعو إلى الله. والله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد. لأن si on appelle à Allah سبحانه وتعالى, Allah سبحانه وتعالى il nous a créé. Pourquoi? وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tous les أبواب qu'on a vu précédemment. كذلك التنبيه هنا على بصيرة على علم. فالإنسان في باب الدعوة il fait attention à plusieurs choses, et parmi ces choses il fait attention au sentiment. لأن voir des gens faire du shirk, خاصة les proches أو autre من المخالفات, فالإنسان il veut parler, il veut leur montrer. لماذا؟ لأنه il leur veut le khair. لكن on fait attention في هذا الباب au sentiment, أي de ne pas parler sans علم أو de ne pas s'énerver. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été suivi. Là, لماذا؟ لأن on appelle à Allah سبحانه وتعالى, on n'appelle pas à nous. S'ils suivent, alhamdoulilah, s'ils suivent pas, Allah il a une hikmah. Bel, cet appel doit être bil hikmah. Wal maw'idhatil hasana. Kadhalik, on revient à qawlu Allah Azza wa Jalla ala basira, anna al-ilm, c'est qala Allah, qala al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Al-ilm, al-da'wa, c'est pas fondé sur des rêves, c'est pas fondé sur des ondits. Ce n'est pas fondé sur les gens, ils font là. Les anna, celui qui a le hujja ma'a, sa da'wa sera qawiyya. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, fi le qawli al-mufid, ay inda qawlihi ala basira, ay ilm, fatadhammanat hadihi al-da'wa al-ikhlas wal-ilm, li anna akthar ma yufsidu al-da'wa adamu al-ikhlas, ou adamu al-ilm. Deux choses qui font du mal au da'i ila Allah. Manque de ilm ou manque de ikhlas. فالله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إخلاص على بصيرة علم. فلهذا دعوة بعض الأئمة انتشرت جدا. Pourquoi? لأنهم ils appelaient بعلم et ils étaient à la إخلاص ولا نزكي على الله أحد. فلهذا tu trouves certains livres ils se propagent جدا. Tu trouves ilm, بعض الأئمة il se propage plus que d'autres. السر il est هنا. Et la cause c'est هذا, c'est العلم والإخلاص. فplus l'insan il fait des efforts في العلم والإخلاص, plus بإذن الله عز وجل دعوته elle se propagera. أما واحد il parle بجهل et il veut que tout le monde l'écoute même s'il parle sans ilm, il s'énerve pour son nefs et il est content d'être suivi même si c'est fait باطل. هذا دعوة من سلا ديسبيفور سي دعوة باطلة. لأن دعوة الحق pour la reconnaître c'est pas le nombre. تقدم معنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض الأنبياء يوم القيامة ils seront suivis par quelques personnes, بعضهم par une personne, بعضهم personne les a suivis, et ils ont appelé à هذا التوحيد العظيم, et ils ont appelé بعلم بإخلاص. C'est des أنبياء, c'était des anbiya alayhim salat wa salam jami'an. C'est pas ça le bizan. On fait pas attention au nombre. Là, on fait attention à ces deux points, ikhlasun wa ilm. Fa fi hadha al-hal tu es un da'i ila Allah même si tu n'es pas suivi par beaucoup de personnes. C'est pas ça le mizan. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi wa laysa al-maqsoud bil ilm fi qawlihi ala basira al-ilm bil-shar faqat bal yashma' al-ilm bil-shar wal-ilm bihal al-mad'u. Ça c'est important. Tu dois être à la basira et connaître l'adilla. Qala Allah, qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois connaître la mas'ala, tu dois traiter le sujet. On conseille souvent nos frères de prendre du temps. Faites des efforts fil ilm sans négliger bab da'wa. Lakin chacun a sa place. Nous à notre niveau, on ne peut pas faire une da'wa comme l'ulama ou le mashayikh et parler dans tous les sujets, parler à tout le monde là. Et cette faïda, les muhimmas de Cheikh Ibn Uthaymeen, anna qawlahua azza wa jal ala basira, ay ala ilm. Tu dois faire da'wa avec science, avec ilm. Al basira, c'est la clairvoyance. C'est pas que adillatu sharia, Bien sûr que c'est une grosse partie. Lakin kadalik, tu dois connaître halal mad'ou. Et tu dois connaître la situation de celui à qui tu fais ad-da'wa. Falihada dans le hadith suivant qu'on va lire ensemble, incha'Allah ta'ala, hadith ibn Abbas, radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, لما بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم il lui a précisé, il lui a démontré أن هؤلاء à qui tu vas faire دعوة ils sont من أهل الكتاب. Et c'est très très important هذا. لأن tu ne fais pas دعوة à un كتابي comme à un مجوسي comme à un ملحد. لأن الكتابي مثلا un juif ou un chrétien, tu pourras t'appuyer sur certaines choses. Yu'min bil Rabb, il reconnaît qu'il y a un créateur. Là, ils ont du shirk, comme tu sais. Ils disent qu'Allah, il a un enfant, il a akhiré. Tu vas baser ta da'wa sur ça. Mais un wahid qui ne reconnaît pas Allah, aslan, c'est un mulhid. La yu'min bil Rabb. Ça, tu auras une autre façon. Kazalik un muslim, yashhad an la ilaha illallah, wa anna Muhammad rasulullah. Là, il a des problèmes. Dans certaines khurafat, il a des shubah fi. Dans certains abouab de tawhid, tu auras une autre da'wa. لماذا لأنه يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. Tu pourras lui citer des ahadiths et l'akhiri. Enfin, c'est important de connaître hal al-mad'u. On ne fait pas de da'wa à tout le monde de la même façon. Là. كذلك celui qui n'a pas d'ilm et miskin waqa'a bi al-mukhalafa bi sabab jahli il a une bonne niya, la shak tu auras du rifq. Et tu vas lui montrer billati hiya ahsan. Contrairement au mu'anid, rubbama t'aura un autre mouqif minh. S'il n'accepte pas, il a akhiri. Ala kulli hal, connaître hal al-mad'u, c'est important. Allez, hadha l'ulama conseille aux débutants, aux ignorants, d'apprendre leur dîn. Et de ne pas rentrer dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Comment tu veux que wahid sa da'wa réussisse? Anahu, il n'est pas à la ilm, et il ne connaît pas l'état des autres. Comment il va appeler wahid? Il ne sait pas sur quoi il est lui-même. Lui-même, il est à la djihad. Ah, ça c'est important. Tout ça, tu le tires de cette aya. Et tu استفيد من هذه الآية. قال رحمة الله عليه. Et après avoir cité le verset, قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله. C'est ça le shahid. C'est pour ça que Cheikh al-Islam il a cité ce hadith هنا. الدعاء أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه. أي الإمام البخاري ومسلم ils ont rapporté ce hadith. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في الملخص مناسبة الحديث للباب أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفيه إرسال الدعاة لذلك. هذا سواضح. شيخ الإسلام إلى cité ce hadith pour démontrer أن الدعوة elle commence par هذا. النبي صلى الله عليه وسلم quand il a envoyé بعض الصحابة رضي الله عنهم pour faire الدعوة حديث ابن عباس هنا on a l'exemple de معاذ رضي الله عنه أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوم من الكام فليكن أول ما تدعوهم إليه. La première chose c'est ça. دعوة الأنبياء était fondée sur الدعوة إلى التوحيد. ونحن كذلك المؤمنون جميعا doivent suivre la voie de هؤلاء عليهم الصلاة والسلام. La première chose qu'on doit appeler c'est هذا التوحيد. لماذا لأن من حقق التوحيد celui qui applique التوحيد il est من السعداء. Et celui qui contredit ce tawhid, il est min al-ashqiya, même si il fait des efforts fait l'ibad, même s'il maîtrise la langue arabe, même s'il vit dans un pays musulman. Ça lui est d'aucune utilité si c'est un mushrik. ففي الحقيقة سي لا باز. فلهذا الأنبياء كانوا يعتنون بهذا الأصل. اي نحن دو فير باغي كونتريرمون ا اهل الاهواء والبدع انهم ils ont délaissé هذا الأصل. Vous avez remarqué que le بعض il parle de bon comportement فقط. لماذا؟ لان pour plaire aux autres خاصة الكفرة. كثير من الدعاة الآن يغارد كل غارد دي زوتر خاصة دي كفار. أنه il faut avoir un bon comportement, أنه ça c'est طيب, نحن on a un bon comportement, c'est لله عز وجل. On essaye de faire des efforts pour Allah سبحانه وتعالى. أما اليهود والنصارى فكما قال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Ils seront jamais satisfaits. Les bons comportements, أولا, on fait des efforts pour Allah عز وجل. Et avant cela, il y a التوحيد. Et celui qui fait des efforts في التوحيد بإذن الله عز وجل, il fera des efforts dans son comportement. أما appeler au bon comportement, أو s'écarter du mensonge, de l'injustice, du vol, إلى آخره, comme ils font, بعض الدعاة, et délaisser هذا الأصل العظيم, c'est pas من دعوة الأنبياء أبدا. فلهذا, vous avez remarqué que في الحديث, il y a un tertib مهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. Si qu'ils ont obéi et ils acceptent التوحيد, informe-les que Allah سبحانه وتعالى il a rendu obligatoire cinq salat. لماذا؟ لأن الصلاة الركن الثاني, c'est le deuxième pilier. ثم s'ils ont accepté, tu continues الزكاة وهكذا. أما faire une da'wa sans respecter cet ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a montré via le hadith, ça sera une da'wa fâchila, une da'wa va'ifa. Et dans la deuxième riwaya, qawluhu rahmatullah alayhi wa fi riwaya ila an yuwahidullah, il y a une munasaba kadhalik azima. Qala العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله, لماذا جاء الشيخ بهذه الرواية؟ صحيح سأصمت علم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى ستي une رواية la première, ثم قال وفي رواية أي dans une autre narration et إلى ستي هذا اللفظ إلى أن يوحد الله. T'as deux الآن, t'as deux حديث في الحقيقة, أو t'as deux récits. نعم, قوله عليه الصلاة والسلام أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله, c'est une رواية, c'est une version du hadith. T'as une deuxième version, إلى أن يوحد الله. ثم شيخ الإسلام il a continué le hadith. Pourquoi il a cité cette deuxième؟ قال شيخ الفوزان لأنها تفسر شهادة أن لا إله إلا الله بأن معناها توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. Cette deuxième version, il a un yuwahidullah, ça explique la première, tad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah. En d'autres mots, shahadatu an la ilaha illallah, ça veut dire quoi? Tawhidullah subhanahu wa ta'ala fil ibadah. Ila an yuwahidullah. Et ça viendra hada, bi'idhnillahi azza wa jal, dans le bab suivant. Thumma qal, rahmatullah alayhi, wa lahum. أو أنا فاشيني أو أنا فاشيني لا يكتب الحديث. نعم. قال ولهم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لا أعطين الراية, أي je vais donner demain le drapeau, l'étendard. هذا c'était في الجهاد في خيبر. تعلمون أن المسلمين واحد يبقتي دائما الراية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه il va donner cet étendard demain à un homme qui aime Allah سبحانه وتعالى et son messager صلى الله عليه وسلم. Et Allah عز وجل et son messager sallallahu alayhi wa sallam ils aiment هذا الرجل. فسي الفضيلة عظيمة. فلهذا قال سهل رضي الله عنه فبات الناس يدكون أي يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها. Toute la nuit, الناس أي المؤمنون الصحابة رضي الله عنهم ils se demandaient c'est qui هذا الرجل, لأن هي فضل عظيم. فça nous montre هذا في الحقيقة أن notre but ça doit être comme هؤلاء. Leur but c'était que Allah subhanahu wa ta'ala il les aime, que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il les aime, que Allah azza wa jalla soit satisfait d'eux. Amma an-nas, awalan, tu ne pourras pas les satisfaire. Et thanyan, si tu suis les gens, khasatan al-aktharia, le grand nombre, farubama tu feras des sacrifices sur ton dîn, ou tu délaisseras ton dîn pour qu'il soit satisfait. Hada c'est al-halak ou al-khasara. Notre but ça doit être hada, que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Notre but c'est d'être ressuscité ma'a al-mu'minin al-salihin, et de boire min hawd Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, et d'être avec l'anbiya wa rasul wa al-mu'minin fil jannah. Qala falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kulluhum yarjuna an yu'taha. Le matin, quand ils ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils espéraient tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur donne al-raya, ay l'étendard. فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبَ, أي son cousin, le mari de sa fille Fatima رضي الله عنهما. فَقِيلَ هُوَ يَشْتَكِ عَيْنَيْهِ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأُتِيَ بِهِ فَبَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَ لَهُ فَبَرَأَ كَأَن لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعَ. Et ça c'est min alamat nubuwatihi alayhi salatu wassalam. An Ali, il a été guéri et هذا السبب فأعطاه الراية. Ali il avait un problème aux yeux, quand il a été guéri le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a donné l'étendard. وقال انفض على رسلك حتى تنزل بصحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا الحديث فيه فضل الدعوة. Si Allah subhanahu wa ta'ala guide une personne et c'est toi la cause, هذا c'est خير لك من حمر النعم. وحمر النعم c'est une catégorie de chameaux qui avait beaucoup de valeur à l'époque. Et ça te montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur donnait des exemples avec ce qu'ils comprenaient. المهم أن la récompense elle est énorme. لكن Et c'est ça le shahid, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي انفض على رسلك حتى تنزل بصحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. Appelez-les à l'islam. Et l'islam s'est fondé sur 5 piliers. Et le pilier le plus important et le prioritaire, c'est الشهادة, التوحيد. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. كذلك هذا c'est un shahid. Pour notre bab, عند من c'est qui nous explique le lien entre cette partie du hadith et le bab. Indaman, tfaddal. Naam, c'est quoi le lien avec le bab? Radiyallahu anhu kama taqaddam. Taqaddam ma'ana dans le premier bab, hadith Mu'ad, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. فغبلد هذا الحديث. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله. سكوا حق الله على العباد أحسنت, أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي وأخبرهم أن فرمله بحق الله أي بالتوحيد. Donc c'est une da'wa ila tawhidillahi azza wa jal. Qala al-allama Sheikh Salih al-Sheikh hafidhahullah ta'ala fi tamhid fa da'watu ila al-islam hiya da'watu ila tawhid. Limada? Li anna al-islam il est fondé sur tawhid. Ben le pilier le plus important c'est tawhid, al-shahada. Li anna a'zam arkan al-islam shahadatu an la ilaha ila Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa dhamma ilayha alayhi salatu wassalam aydan an yad'uhum ila haqqillahi ta'ala fi, ya'ni ila ma yajib alayhim min haqqillahi ta'ala. Comme تقدم معنا حق الله عز وجل في حديث معاذ. C'est pour ça que Cheikh Al-Islam, il a cité هذا الحديث هنا. Donc dans les deux hadiths, il y a الدعوة إلى التوحيد. Le premier, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Donc la première chose qu'on doit appeler c'est à cette shahada. Cheikh Al-Islam, il a cité une deuxième riwaya, إلى أن يوحدوا الله, pour te montrer l'explication de la ilaha illallah. Cette shahada, cette da'wa, c'est pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit adoré seul. Et le deuxième hadith, تقدم معنا قوله عليه الصلاة والسلام ثم ادعوهم إلى الإسلام. L'islam s'est fondé sur cinq piliers, et le premier pilier c'est الشهادة. كذلك وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وأعظم الحقوق c'est حق الله, وأعظم هذه الحقوق نعم c'est التوحيد. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الترتيب الذي صنعه المؤلف في هذه الأبواب في غاية المناسبة, فإنه ذكر في الأبواب السابقة وجوب التوحيد وفضله, ذكر في الأبواب السابقة وجوب التوحيد وفضله والحث عليه وعلى تكميله والتحقق به ظاهرا وباطنا والخوف من ضده, وبذلك يكمل العبد نفسه. Tous les أبواب précédents. Alors, Cheikh l'Islam, il a cité le premier bab en guise de muqaddima, kitab al-tawhid. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ إِلَى آخِرٍ. ثم وجوب التوحيد, l'obligation. Et il a cité plusieurs adillah. وَالْفَضْلِ كَذَلِكَ, plusieurs adillah qu'on a vu ensemble. وَالْتَحَقُّقْ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَدَا. وَهَذَا تَقَدَّم مَعَنَا. Et le bab qu'on a vu précédemment, al-khawf min tiddi, faire attention de ne pas tomber dans ce qui annule هذا التوحيد, son contraire, al-shirk. فالترتيب il est مهم. ثم قال ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله, فإنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه. Ça, ça nous montre أن التوحيد a plusieurs degrés. وهذا تقدم معنا في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, أنهم سالموحدون الخلص, ceux qui ont un توحيد قوي. فمن القوة في التوحيد c'est de appeler à هذا التوحيد. قال ثم يسعى في تكميل غيره. الإنسان fait des efforts pour que son توحيد progresse, faire des efforts, et كذلك il fait des efforts pour que les gens ils apprennent هذا التوحيد, et il leur montre, il leur facilite. وهذا هو طريق جميع الأنبياء. Ça c'est la voie de الرسل. منهج الأنبياء c'est هذا. C'est pour ça que le ulama, quand il cite au sol, manhaj al-anbiya, au sol, al-da'wati salaviyya, et c'est la voix des prophètes, alayhim salatu wassalam, le premier asl qu'il cite, c'est al-tawhid. L'imad al-anna, c'est la base. In sahha al-tawhid, tout ce qui viendra après, bi-idnillah, ça sera fondé sur une base solide. Si ce tawhid, il est faible, ou il est annulé, iyadun billah, fait tout ce qui viendra après, si التوحيد il n'est pas accepté ou il est effacé, annulé par du shirk, ça ne sera d'aucune utilité. الدعوة الأنبياء والرسل est fondée sur هذا التوحيد. فنحن on doit faire des efforts في هذا التوحيد علما وعملا ودعوة. Ça ne doit pas être qu'un mot. لأن الجميع الآن وكثير من الناس يقولون هذا أن l'importance est التوحيد. ثم في الواقع tu trouves qu'il y a peu d'efforts. نحن on doit faire des efforts في العلم والعمل. Ça peut pas être qu'une parole. أن التوحيد c'est important, التوحيد c'est important. ثم في الواقع c'est du قيل وقال, c'est des fitnes, c'est de la perte de temps, c'est des معاصي, c'est derrière الدنيا. هذا لا يجوز. لا, الإنسان il doit parler peu et appliquer. أما كثرة الكلام ça empêche en général de faire des أعمال. قال فإنهم أول ما يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له, وهي طريقة سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم. نعم. Et on a vu plusieurs adillah في هذا. قوله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إيش الآية إلا إلا أن أعف إلا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فسيسا دعوة جميع الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول أي nous n'avons pas envoyé un رسول avant toi يا محمد que pour هذا إلا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Et personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. فأدوري. فسا c'est دعوة جميع الأنبياء. Et chaque mu'min doit suivre l'anbiya. Enfin, c'est pas min al-hikma de faire passer autre chose avant tawhid. Abada. Qala li'annahu qama bi hadhihi ad-da'wa a'dham qiyam wa da'a ila sabil rabbih bil hikmati wal maw'izati al-hasana wal mujadalati billati hiya ahsan lam yaftur wa lam yad'uf hatta aqama Allah bihi ad-din wa hada bihi al-khalq al-'azim. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait beaucoup d'efforts. في هذا الباب. Des années عليه الصلاة والسلام et il a appelé à ce tawhid في مكة. وصبر. Et ils ont essayé de faire du mal. Et ils l'ont chassé من مكة حتى هاجر عليه الصلاة والسلام et il a continué à appeler à هذا التوحيد حتى مات. حتى مات عليه الصلاة والسلام فدعوته كلها توحيد. Ne pas comprendre comme certains il a appelé au tawhid qu'à مكة ثم مدينة. في المدينة اللي passe autre chose. لا حتى في المدينة ils appelaient au tawhid. Ils faisaient le jihad pour propager le tawhid. لكن في المدينة il a appelé à d'autres choses. الصلاة والصيام إلى آخره. أما دعوتهم عليهم الصلاة والسلام du début à la fin c'est à tawhid. Et celui qui veut que sa دعوة elle soit ناجحة مقبولة مرضية فقل fasse des efforts à appeler à ce point awwalan et sans négliger les autres choses. Lakin la base de da'wa c'est hada at-tawhid. Qala wa wassala dinuhu bi barakati da'watihi ila mashariq al-ard wa magharibiha bi fadlillah 'azza wa jalla. Anna din ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam il s'est propagé très vite. Limada? Li'annaha ad-da'wa yafid la baraka. Tawhid. Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al fi da'wa at-tawhid al-baraka. Très très vite ad-da'wa s'est propagée. Quelques années et jami' al-jazira, jami' man fi al-jazira ils sont entrés fi dinillah, et la péninsule arabique. Thumma après sa mort alayhi salatu wassalam al-khulafa ar-rashidun radiyallahu anhum ils ont continué cette da'wa et ad-din s'est propagé jusqu'au Maghrib en Afrique et jihat al-mashriq jusqu'à ils ont approcher الصين, la Chine. وهكذا. ثم arrivé une époque Ahlul Bida ils sont rentrés et ils ont déformé cette da'wa et الدين, l'expansion du din elle a été ralentie. ثم الله سبحانه وتعالى يبعث من يجدد هذه الدعوة. Et on a un exemple avec Cheikh al-Islam رحمة الله عليه. Cheikh al-Islam à son époque الشرك s'était propagé في الجزيرة. بعض الناس adoraient les tombes, بعض الناس ils demandaient aux awliya, aux morts, il a akhri, ils faisaient tawaf autour des tombes, ils construisaient autour des tombes. فالله سبحانه وتعالى جدد به الدين. Et il a appelé à ce tawhid, et da'wa tawhid elle s'est propagée. Surah. Da'wa Cheikh Mokbila, rahmatullah alayhi, il y a même nefsu shay. Annahu dans son village, dans sa région, à Sa'da. C'est une région fiha kathir des shi'a, rawafid. ويعبدون غير الله لكن دعوة الشيخ مقبل سي بروباجي جدا dans tout le Yémen ولله الحمد. لماذا؟ لأنه il a appelé à هذا التوحيد. أما une دعوة qui est basée sur autre face à une دعوة فاشلة même si y a des suiveurs même si les gens ils en parlent tu ne trouveras pas de baraka. Une petite chose et cette دعوة elle s'éteint. أما الآن لا تغتر بعض الناس ont beaucoup de suiveurs et كلام لكن il y a pas de baraka. C'est beaucoup fondé sur l'argent et le masalih. Quand il y a plus d'argent et de masalih, تنتهي. أما دعوة شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى يومنا هذا. Et دعوة التوحيد. Et Allah سبحانه وتعالى له حكمة عظيمة أن il y a toujours des ennemis et il la salisse وإلا فهل se propagerait encore beaucoup plus. لكن Allah سبحانه وتعالى c'est le حكيم. On doit faire des efforts, on ne désespère pas. désespère pas si tes parents ou tes proches ou dans ton pays il y a du shirk. Ne désespère pas. Fais des efforts fil ilm. Fais des efforts fil amal. Appelle à ce tawhid. Tawakkal à Allah. Fais beaucoup de dua. Et Allah subhanahu wa ta'ala nasirun dina. Qala. وكان يدعو بنفسه ويأمر رسله وأتباعه أن يدعو إلى الله وإلى توحيده في كل شيء لأن جميع الأعمال متوفقة في صح متوقفة في صحتها وقبولها على التوحيد. C'est pour ça qu'on doit appeler هذا. لأن toutes les œuvres sont basées sur هذا التوحيد. Si هذا التوحيد il est pas صحيح, فالأعمال elles sont pas صحيحة. Si هذا التوحيد il est صحيح, فالإنسان même s'il fait peu, son عمل il est مقبول عند الله سبحانه وتعالى. Ou les mouahidoun, ils rentreront fil jannah. Imma directement, imma après at-tamhis fil nar. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala rahimahullah, fa kama anna ala al-abd an yaqouma bi tawhidillah, fa alayhi an yad'u al-ibad ila Allah billati hiya ahsan, wa kullu man ihtada ala yadayhi, fa lahu mitl ujurihim min ghayri an yanqusa min ujurihim shay. Kama taqaddam ma'ana fi hadith Ali. Lawla لو أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Ça, ça te montre هذا الحديث أن هذه الدعوة c'est la base et كذلك فيها أجر عظيم. والمحقق إلى سيتي في الحاشية حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجورهم مثل أجور من اتبع من تبعه نعم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا أخرجه مسلم. Celui qui appelle à une huda, à la guider, à une ibada, à une sunnah, il aura la récompense de tous ceux qui appliquent. Et ça ne diminue en rien la récompense de celui qui appelle ou celui qui a accepté le da'wah. Fadlullah, il est wasi'. Anta, si tu appelles à tawhid, tu fais des efforts, tu propages l'ilm, comme minan nas ils vont écouter, comme minan nas yastafidun, tout ça. Si tu es sincère, Akhil Karim, tu trouveras ces hasanat fi al-mizan yawm al-qiyam. Ça te motive. C'est une obligation à appeler au tawhid, chacun par rapport à ses capacités. Et كذلك al-ajr il est kabir. قال واذا كانت الدعوة الى الله والى شهادة ان لا اله الا الله فرضا على كل احد كان الواجب على كل احد بحسب مقدوره. C'est obligatoire pour tout le monde. Ad-da'wa et la tawhid. Lakin chacun selon ses capacités. Mathalan, da'watu al-alim, c'est pas comme da'watu al-mu'min, al-jahil, al-mubtadi. C'est pas la même chose. Lakin chacun, par rapport à ses capacités et par rapport à sa science. Ala kulli hal, on néglige pas ça. Et on fait des efforts fil ilm. On ne fait pas l'erreur que certains y font, alors ils rentrent fi da'wa. Et wallahi, c'est des juhal. Ba'dhum, on ne peut même pas dire que c'est des débutants. Là, ils n'ont pas d'ilm du tout. Et ils sont rentrés dans da'wa. Et kathiran, il y a de l'argent en jeu. Thumma, ça devient leur principale occupation. Alors qu'ils ne sont pas aptes. Falihada ha'oula yufsidun kathiran. حتى سمعنا بعضهم انهم يرشد التوحيد انهم يديز التوحيد c'est pas important ou mettre en garde contre shirk c'est pas important et ils accentuent sur le bon comportement لماذا لانهم سيدجهال ضلوا واضلوا ونحن donne à chacun son حق et الدعوه on néglige pas لكن on fait des efforts في العلم لان هذه الدعوه يفوج علم لابد. قال فعلى العالم من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والهداية أعظم مما على غيره ممن ليس بعالم وعلى القادر ببدنه ويده أو ماله أو جاهه وقوله أعظم مما على من ليست له تلك القدرة. نعم العالم son obligation elle est beaucoup plus grande. لماذا لأنه il a du علم il a plus de responsabilité et chacun par rapport à son علم. كذلك الدعوة بالمال وبالجاه. Celui qui a des connaissances, celui qui a de l'argent, et il aide à participer à cette da'wa بماله pour propager le tawhid. مثلاً en propageant des livres de tawhid avec son argent, il achète, il propage, ou des doros, ou en finançant un masjid, un marquez qui appelle au tawhid. Tout ça, بإذن الله, c'est min ad-da'wa. Chacun selon sa capacité. Bada nas, maintenant, ils n'ont pas de ilm, mais ils ont de l'argent. Ils font beaucoup de khayr bimalihim. Et hada c'est tayyib, jiddan. قال قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة. كلام جميل. دعاء من الشيخ سعدي رحمه الله. رحم الله من أعان. أي كالله فاس ميزيريكورد à celui qui aide ولو بشطر كلمة. ولو avec une parole. Avec un mot. فجزاه الله خيرا. Chacun selon ses capacités. المشكلة c'est celui qui rentre dans des choses qu'il ne maîtrise pas, qui parle bil'ail. Ça, c'est un problème. Kadhalik, le deuxième problème, c'est celui qui sait et qui a le qudra, lakin il se tait. Matalan, talab al-ilm, et il a eu, walillahi alhamd, l'opportunité de s'asseoir inda al-ulama, et il a étudié, il a compris. Thumma, il est sakit. La dars, la da'wa, la bayan, hada la. Qala, wa innama al-halak fi tark. Ma yaqdiru alayhi al-'abd min ad-da'wah ila hadha ad-din. Et c'est cette catégorie qu'on a citée. Ça, Cheikh Saadi قال, ça c'est le halak. Il y en a celui qui sait qu'il a le qudra, il se tait, pourquoi il se tait? S'il aime cette kalima, pourquoi il ne la propage pas? Hadha ash-shirk al-an qui est propagé, wa du'at ad-dhalal, du'at as-sufiyya wa ar-rafida wa al-quburiyyin et tous ceux-là qui appellent au shirk, ça nous touche pas? Si ça nous touche, on doit parler. On parle celui qui a l'ilm. Mais celui qui n'a pas l'ilm, il fait des efforts. Ses forces, il les place dans l'ilm. Mais celui qui a l'ilm et qui est capable, فهذا يجب عليه بيان التوحيد والرد على المشركين et يتوكل على الله. C'est ça, منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.